Elle y repense et elle regrette. Quand elle donne sa confiance, on lui rend morceau. Pour elle, y'a que des infidèles. Du coup, elle prend le large, elle les mène en bateau. Elle s'est fixé l'objectif de se donner une image d'une femme au cœur vide. Ah ouais, ouais, ouais, ouais. Tu sais, la vie, c'est pas un conte de fées. Ah ouais, ouais, ouais. Assez, à tous ses prétendants, elle tire un trait. Elle fredonne. Dodo, dodo, ce qu'elle voulait c'était qu'un sam. Dodo, dodo, dodo, si tu veux pas qu'être recal, dodo. Traverser les tempêtes, elle veut pas s'attacher car son cœur a bobo. Elle a enchaîné les conquêtes, mais Cupidon ne lui a jamais fait de cadeau. Elle est belle et hostile, elle est belle et hostile. Elle cache sa peine derrière ses fossiles. Elle te pique et disparaît, c'est son style. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Tu passeras ta vie dans lui courir après. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Elle te fera payer pour tout ce qu'on lui a fait. Elle fredonne. Dodo, dodo, ce qu'elle voulait c'était qu'un sam. Dodo, dodo, dodo, si tu veux pas qu'être recal, dodo. Dodo, oh non non c'est pas comme ça. T'as pas fait tout ça pour ça. Calin et boussa boussa pour effacer tes faux pas. Dodo, dodo, ce qu'elle voulait c'était qu'un sam. Dodo, dodo, dodo, si tu veux pas qu'être recal, dodo.